Unité 1. Activité 5. 1. En Belgique, il y a 11 millions d'habitants et 3 langues officielles. L'allemand, le français et le néerlandais. Il y a une monnaie, l'euro. 2. En Suisse, il y a 8 millions d'habitants et 4 langues officielles. L'allemand, le français, l'italien et le romanche. La monnaie est le franc suisse. 3. Au Canada, il y a 36 millions d'habitants et 2 langues officielles, l'anglais et le français. La monnaie est le dollar canadien. 4. Au Sénégal, il y a 14 millions d'habitants et une langue officielle, le français. Il y a une monnaie, le franc CFA.